On va parler du reportage qui a fait beaucoup jaser, qui était sur les ondes de TSN hier. C'est un reportage que l'ancien premier choix, le tout premier choix au repêchage des Red Wings de Détroit en 1986, Joe Murphy. Ben, aujourd'hui, Joe Murphy est tout simplement dans la rue après avoir gagné entre 15 et 20 millions de dollars dans sa carrière. Et un gars qui a joué contre lui, qui le sans nécessairement le côtoyer, le connaît bien, c'est notre collaborateur Stéphane Lebeau. Salut Steph! Salut Danny. Stéphane, quand tu as vu ça à TSN, c'est que ça t'a dit? Danny, vraiment bouleversé après avoir vu ce reportage-là. Évidemment, là, ça a été un adversaire plus qu'un ami parce que je ne l'ai jamais vraiment Oui. fréquenté. Mais en tant que joueur de hockey, il y a un respect mutuel, même si lorsqu'on est sur la glace, on essaye parfois là, de se donner des coups puis on joue pour la victoire. Mais cette histoire-là, je n'avais pas vraiment entendu parler au préalable. Et à la fin, et tout le long de l'écoute, j'étais vraiment très émotionnel, je dois te dire. OK. Parce que, évidemment, les gens se posent, les gens vous envient des fois, les anciens joueurs de hockey, vous dites, ben, il a gagné des millions, mais il faut être préparé mentalement pour gagner des millions aussi. Faut être solide en haut des épaules, parce que, je m'explique, il y a des, dans le cas de Joe Murphy, il l'a dit, boisson, drogue, jeu, après ça, commotion cérébrale. Ça a fait un beau meeting pot, puis ça fait ce que ça donne aujourd'hui, là. Faut être préparé pour ça, là. Oui, effectivement, les gens ont raison quand ils disent qu'on vit une vie fantastique, mais ça vient avec d'autres inconvénients. Ça vient avec une forme de pression, une forme de responsabilité. Et oui, on doit être capable de gérer soi-même sa carrière ou du moins d'être bien entouré pour s'assurer qu'on prend les bonnes décisions qui font en sorte que, parce qu'une carrière de hockey, même si ça peut être très payant ou la vie d'un athlète, ça peut être très court également. Donc, il faut être prévoyant, il faut être prudent, surtout de l'entourage qu'on a pour s'assurer qu'à un moment donné, le positif ne devienne pas négatif. Mais dans le cas de Joe Murphy, après son écoute, tu l'as mentionné, il est tombé là, dans les excès. Mais ce qui m'inquiète beaucoup, de un, c'est le fait que tout semble avoir débuté après une sévère mise en échec. Et un début de commotion cérébrale, là, plusieurs personnes rapportent que par la suite, il n'était plus la même personne. Et ça a fait boule de neige jusqu'à sa dégringolade et on le voit aujourd'hui où ce qu'il est rendu. La bonne nouvelle, l'autre mauvaise nouvelle, c'est de voir qu'il a frappé à la porte de la Ligue nationale et que celle-ci l'a ignoré, n'a pas. Parce qu'il n'était plus un joueur actif, a décidé de passer à côté pour l'aider. Mais là, suite à ça, Trevor Kidd qui a pris l'initiative. Et j'ai dans le reportage, on dit que d'autres joueurs ont pris le temps d'appeler pour peut-être offrir leur aide. Donc ça, c'est encourageant, en espérant qu'ils vont bien vouloir accepter l'aide des autres maintenant. Ben oui, parce que, écoute, moi, j'ai parlé avec Gilbert Delhomme, qui ne pouvait pas me parler parce qu'évidemment, il y a un contrat exclusif avec le 91-9. Gilbert, qui était son coéquipier à l'époque, puis on s'en parlait dehors des ondes, il dit, moi, je suis convaincu que les Red Wings de Détroit vont s'en occuper à partir de maintenant, parce que quand c'était ton tout premier choix, au repêchage, à quelque part, t'as quand même une responsabilité sans le faire vivre. Garde Chris Nylund, Stéphane. Si Canadien s'en aurait pas occupé, puis si des anciens Canadiens s'en auraient pas occupé, il serait probablement ce que Joe Murphy est devenu aujourd'hui. Ça, c'est une notoriété publique, ça, là. Oui, mais on voit que la misère humaine existe. Ouais. Elle ne fait pas nécessairement de. Elle ne choisit pas à qui ça l'arrive. On voit que les athlètes, on n'est pas à l'abri de ça, on est des gens ordinaires, puis je le mentionne souvent qu'on est des gens ordinaires. Maintenant, les personnes qui font face à ce genre de situation-là, parfois, sont les premiers à refuser l'aide. Malheureusement, dans le cas de Joe Murphy, il semble avoir refusé l'aide à quelques reprises. Donc, ça prend d'une part une bonne volonté d'individu, d'une organisation, ça peut être la Ligue nationale, ça peut être les Red Wings de Détroit. Et de l'autre côté, ça prend l'individu qui accepte cette aide-là pour essayer de s'en sortir ou du moins améliorer son sort. Mais moi, je suis une personne un peu sensible. Cette histoire-là m'a touché, mais faut pas être naïf. Malheureusement, des gens qui vivent dans la rue et qui ont de la difficulté et qui auraient bien besoin qu'on leur tende leur main pour les aider, ben, trop souvent, autrement, ben, on passe à côté d'eux. Ouais. Stéphane, est-ce que dans votre temps, je sais que ça existe aujourd'hui, ça devait sûrement exister dans votre temps, il y a toujours en début d'année l'association des joueurs qui envoie, ou les gens de la Ligue nationale qui envoient des gens pour les avertir, pour les tenir vraiment là, au courant qu'il va y avoir des mauvaises fréquentations qui peuvent arriver, de faire attention, de si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous appeler. Ça devait arriver dans le temps, mais dans votre temps, ça existait aussi. Oui, ça l'existait. Ça s'est amélioré au fur et à mesure là, que le progrès de la société a fait, les communications, les expériences vécues de d'autres joueurs. Donc, très tôt maintenant, les joueurs sont sensibilisés là à ne pas tomber dans certains pièges, à être prudents. Mais on peut parler de boissons, de drogues, de jeux. Et c'est là qu'à un moment donné, on peut être sensibilisé. Heureusement, une grande partie des joueurs, je dirais, qui font les choses plus ou moins correctement. Mais il y en a d'autres, parfois, malheureusement, dans notre société, qui vont aller vers des excès. Puis c'est dommage, mais une fois rencontrés, ben ces personnes-là méritent qu'on continue à essayer de les aider à les sortir là, de leur misère. Ah ouais, effectivement. Moi, j'ai l'impression, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, que ça va donner une grosse suite, ce reportage-là. La Ligue nationale a peut-être... La Ligue nationale l'a peut-être ignoré, mais là, je pense que la pression populaire, parce que quand c'est diffusé sur TSN, là, ça commence, c'est la grandeur du pays. Je pense que quelque part, ça va, je sais pas si t'es quand même moi, mais il va y avoir une grosse suite à ça, puis ça va se finir de façon très positive pour lui, là. Je le souhaite fortement. Je pense que oui, les gens vont se mobiliser pour lui, surtout les anciens joueurs. Ils vont mettre de la pression sur, justement, l'association des joueurs, la Ligue nationale. Ils vont vouloir donner l'exemple. Mais le plus important, je pense, c'est que lorsque Joe Murphy va se faire tendre le bras pour qu'on l'aide, il se devra là, de l'accepter. Et si lui s'en sort de cette façon-là, parce qu'il y en a d'autres peut-être, là, athlètes qui jouent de hockey, ben ça fera boule de neige. Ça va peut-être éviter éventuellement que d'autres joueurs vivent la même expérience qu'il a vécue. Joe Murphy, 800 matchs, premier choix au repêchage de la Ligue nationale en 1986. C'était ta même année, Stéphane. C'était ton année de repêchage aussi. Là. Oui, puis pour moi, c'est une journée mémorable, Danny, parce que c'était mon année de repêchage. J'étais dans les estrades pendant les 12 rondes avec mon père. Et cette année-là, Joe Murphy, le premier au total. Ouais. Alors que moi, j'ai été ignoré. Donc, deux extrêmes complètement. Il a connu une super carrière. Faut pas lui enlever ce qu'il a accompli. Il a gagné une Coupe Stanley. Malheureusement, pour différentes raisons, le destin lui a amené d'autres épreuves dans sa vie. Mm-hmm. Et maintenant, on espère là, qu'il va réussir là, à retrouver une certaine dignité qu'il mérite bien, je pense. Ouais. Stéphane, est-ce que l'association des joueurs est encore un coup qu'un joueur est retraité comme toi, là, comme d'autres joueurs, est-ce que vous avez encore des contacts avec l'association des joueurs? Il y a une autre association, c'est l'association des anciens joueurs. OK. Donc, je suis membre de ça, et puis tous les joueurs de la Ligue nationale, les anciens joueurs de la Ligue nationale sont invités à être membres, et à tous les deux semaines, à chaque mois, on reçoit de l'information sur les différents programmes, les différents aides qu'ils peuvent offrir aux anciens joueurs. Donc, non, à cet égard-là, l'association des joueurs traite quand même bien les anciens joueurs. OK. Donc, ils peuvent avoir des aides, parce que c'est quelque chose là aussi, là, parce que, tu sais, le phénomène de gang, ça manque, moi, pour avoir écouté beaucoup d'anciens, ça manque à beaucoup de joueurs, là. Des anciens joueurs, le phénomène d'être en gang. Là. Je pense que c'est une des choses, Stéphane, qui manque le plus à des anciens. Oui, la transition d'une carrière n'est pas facile pour plusieurs. Ouais. Ça prend plusieurs années de remplacer cette passion-là, ce monde-là par un autre. On dit souvent que c'est l'équivalent d'une forme de deuil. Il y en a qui passent au travers plus facilement que d'autres. Moi, je sais que ça n'a pas été facile. Non. Okay. Les deux, trois premières années, tu te remets un petit peu en question sur ta vie professionnelle, ma vie familiale, ma vie financière, aucun problème, mais ma profession, ma vie professionnelle, ça a créé un grand vide. Ouais. C'est un monde tellement trépidant, la vie d'un monde d'un athlète. Donc, lorsque ça quitte du jour au lendemain, ça laisse un gros vide et c'est pas facile de la remplacer. Ouais. Stéphane, très intéressant. On va s'en reparler durant durant la saison de hockey assez régulièrement. Puis aussi, ben, on va souhaiter tout ce qui arrive à Joe Murphy. Je pense que ce reportage-là va faire boule de neige. Puis Joe Murphy, ben, son histoire va très bien se mener. Stéphane, un gros merci. Ben, merci à toi, Danny. Collaborateur hockey, Stéphane Labo.